Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast consacré cette fois-ci à la déco. Votre salle de bain est ancienne et elle n'est plus vraiment à votre goût. Vieille baignoire, robinetterie démodée, carrelage aux joints noircis, bref, il est temps de la rénover. Cependant, question budget, vous êtes un peu juste et vous vous demandez finalement si ce beau projet ne va pas rester lettre morte. Sachez qu'il est possible de rénover votre salle de bain pour moins de 400 euros grâce à des astuces simples et ingénieuses. On vous dévoile tous ces petits secrets jalousement gardés par les décorateurs. Notre première astuce est de repeindre les murs. Que les murs soient déjà peints ou recouverts de carrelage, sachez que vous pouvez trouver facilement, en grande surface ou en magasin de bricolage, de la peinture spéciale pièce humide pour recouvrir un mur déjà peint ou un vieux carrelage. Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'ailleurs d'une résine qui sera assez épaisse pour bien recouvrir le carrelage. Côté prix, comptez environ 50 euros de peinture pour repeindre une salle de bain de 10 mètres carrés. C'est loin d'être une ruine. Si vous êtes en location, nous vous recommandons l'usage des stickers spécial carrelage de salle de bain. Ils sont adhésifs et se placent directement sur les carreaux. Ils sont étanches, mais se décollent facilement quand vous devez quitter le logement. Fini le vieux carrelage démodé, fini les murs abîmés, en un week-end, vous allez transformer complètement l'ambiance et l'allure de votre salle de bain. Et ce n'est pas le seul changement que vous pouvez faire avec 400 euros de budget. Continuons donc à dérouler les astuces. Notre deuxième astuce est de recouvrir les murs avec des panneaux muraux prêts à poser. Au niveau prix, ils sont assez économiques. Comptez environ 250 euros le panneau. Pour ne pas dépasser notre budget initial de 400 euros, vous pouvez placer un seul panneau derrière le lavabo ou à côté du sèche-serviette pour apporter de l'originalité et plus de design à votre salle de bain. Côté déco, nous vous recommandons le panneau imitation bois ou imitation marbre qui sont très tendance. Pourquoi pas également un panneau imitation carreau de ciment pour une salle de bain à la déco vintage ou industrielle. Vous allez vous régaler à choisir le plus beau panneau mural. Notre troisième astuce est de poser un sol vinyle par-dessus le revêtement de sol existant. Le sol vinyle est le type de sol le moins cher. Vous pouvez en trouver à partir de 2 euros le mètre carré et entre 7 et 15 euros le mètre carré pour un sol imitation bois ou béton. Vous avez toujours rêvé d'une salle de bain avec du parquet, des carreaux de ciment ou encore un sol en marbre? Avec le sol vinyle, tout cela est possible et sans vous ruiner. Notre quatrième astuce est de remplacer votre vieux lavabo par une belle vasque. Une jolie vasque va tout de suite apporter beaucoup de style et de modernité à votre salle de bain, quelle que soit sa taille. Côté prix, cela va dépendre du type de matériau et du type de pose. Vasque à poser sur un meuble ou vasque à encastrer. Pour vous donner une petite idée, en moyenne, comptez autour de 150 euros pour une vasque. Les vasques les moins chères sont celles en céramique à poser sur un meuble. Sans plomber votre budget, vous pouvez ainsi moderniser facilement votre salle de bain. Notre cinquième astuce est de repeindre votre baignoire. Avec un budget de 400 euros pour rénover une salle de bain, il est clair qu'il faudra faire l'impasse sur la douche à l'italienne. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous allez devoir supporter encore plus longtemps de vous laver dans une vieille baignoire à la couleur rose si vous faites partie des plus chanceux. Vous pouvez en effet repeindre votre vieille baignoire avec une peinture spéciale baignoire. Oui, ça existe. Vous pouvez choisir du blanc ou une résine colorée, à votre guise. Avant de repeindre votre baignoire, il faudra toutefois retirer tous les joints de silicone, la poncer avec un papier abrasif à l'eau, avec un grain de 120 à peu près, et bien la nettoyer. Si l'émail de la baignoire est abîmé et comporte des micro-trous et des fissures, il faudra également appliquer avant l'étape peinture un produit de réparation spécial faïence et émail, puis poncer à nouveau. Côté prix, vous pouvez trouver de la peinture spéciale baignoire à environ 20 euros le pot d'un demi-litre. Ou sinon, achetez un kit spécial de rénovation de baignoire qui vous coûtera environ 65 euros. Et voilà, votre baignoire est comme neuve. Notre sixième et dernière astuce est d'installer des rangements hauts. Les salles de bain sont souvent petites et étroites et le désordre peut alors vite s'accumuler avec des vêtements qui traînent au sol, des produits de beauté qui s'amoncellent autour du lavabo, des serviettes qui pendouillent un peu de partout. Difficile d'avoir envie de passer du temps dans cette salle de bain. Alors au lieu de penser à tout casser et tout refaire, repensez les rangements de votre salle de bain, en privilégiant les rangements hauts et peu profonds, comme des petites étagères au-dessus des WC ou de la baignoire, une très fine colonne de rangement dans un angle de la pièce, un meuble sous lavabo avec plein de tiroirs. Vous allez ainsi désencombrer complètement l'espace et donner l'impression d'une salle de bain plus grande. Côté prix, comptez environ 5 € pièce pour une étagère. Voilà, vous avez toutes les clés pour transformer votre salle de bain pour moins de 400 €. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt !